Il y eut une pause, après laquelle Dea s'écria : Si tu savais, le soir, quand nous jouons la pièce, à l'instant où ma main touche ton front. Oh, tu as une noble tête, Gwynplaine. À l'instant où je sens tes cheveux sous mes doigts, c'est un frisson. J'ai une joie du ciel, je me dis, dans tout ce monde de noirceur qui m'enveloppe, dans cet univers de solitude, dans cet immense écroulement obscur où je suis, dans cet effrayant tremblement de moi et de tout, j'ai un point d'appui. Le voilà. C'est lui. C'est toi. Oh, tu m'aimes, dit Gwynplaine. Moi aussi, je n'ai que toi sur la terre. Tu es tout pour moi. Dea, que veux-tu que je fasse? Désires-tu quelque chose? Que te faut-il? Dea répondit. Je ne sais pas. Je suis heureuse. Oh, reprit Gwynplaine, nous sommes heureux. Ursus éleva la voix sévèrement. Qu'est-ce que c'est donc tous ces mamours-là? Vous me fatiguez à la fin. Allez au diable! Et sentant que son accent revêche, mollissé jusqu'à l'attendrissement, il noya cette émotion dans un fort souffle de bougonnement. Père, dit Dea, comme vous faites votre grosse voix. C'est que je n'aime pas qu'on soit trop heureux, répondit Ursus. Et Homo fit écho à Ursus. On entendit un grondement sous les pieds des amoureux. Le loup gronda de nouveau. Mais le loup se dressa et montra les dents du côté de la porte. Quel don que tu as, dit Ursus. Pendant qu'Ursus, apostrophant Homo, baissait le front, Gwynplaine avait levé les yeux. Un homme était debout derrière Dea, dans l'encadrement de la porte. Ursus eut un tremblement, de la tête aux pieds. Il dit bas, à l'oreille de Gwynplaine, « C'est le Wapentek, un officier de justice. » L'homme, sans dire une parole, abaissa son bras droit par-dessus Dea rayonnante et toucha de son bâton de fer l'épaule de Gwynplaine, pendant que, du pouce de sa main gauche, il montait derrière lui la porte de la Green Box. Ce double geste, d'autant plus impérieux qu'il était silencieux, voulait dire « Suivez-moi ». Dea souriait. Gwynplaine se leva. Aucune résistance n'était possible. Gwynplaine le savait. Il regarda Ursus, qui, par un haussement d'épaule, lui signifia « Soumission à l'inconnu ». Gwynplaine regarda Dea. Elle songeait. Elle continuait de sourire. Il posa l'extrémité de ses doigts sur ses lèvres et lui envoya un inexprimable baiser. Ursus, soulagé d'une certaine quantité de terreur par le dos tourné du Wapentek, saisit ce moment pour glisser dans l'oreille de Gwynplaine ce murmure. « Sur ta vie, ne parle pas avant qu'on t'interroge. » Peu après, Gwynplaine, ayant à sa droite et à sa gauche les gens du justicier Coron alignés en double haie, pâle, sans un geste, sans autre mouvement que les pas qu'il faisait, couvert de son manteau ainsi que d'un suaire, s'éloigna lentement de Lynn, marchant muet, derrière l'homme taciturne, comme une statue qui suit un spectre. L'arrestation, sans explication, était un procédé de police fort usité alors dans la Grande-Bretagne. Elle était particulièrement terrifiante. Ajoutons qu'on exécutait volontiers les gens dans l'intérieur des prisons.